Attention, là, ça charge. Oh merde, j'ai perdu mon binôme. Ah mais vous avez pas prévu de cri de ralliement hein? Non mais je vais crier son prénom, c'est pas grave. Ah non, non, surtout pas. T'imagines, si les flics l'entendent, bah ils auront qu'à le noter et puis bim, ton binôme, fiché. Ce soir on se tait, on reste tranquille ou je vous défonce la gueule. Ah ouais, t'as raison là. Ouais, je suis là, on bouge ou quoi? Attends, attends, d'abord on se fait un cri de ralliement pour si on se perd encore. Ok, tu proposes quoi? Bah je sais pas moi, chaton, par exemple. Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton! Chaton!